à Madame la Duchesse d'Argaiolo, née Princesse Soderini, à Belgirata, Lac Majeur, Italie. À ses yeux, cette adresse brilla comme dut briller Manet, Tessel, Farès, aux yeux de Balthazar. Après avoir caché la lettre, elle descendit pour aller avec sa mère chez Madame de Chavoncourt. Pendant cette soirée, elle fut assaillie de remords et de scrupules. Elle avait éprouvé déjà de la honte d'avoir violé le secret de la lettre d'Albert à Léopold. Elle s'était demandé plusieurs fois si, sachant ce crime, infâme en ce qu'il est nécessairement impuni, le noble Albert l'estimerait. Sa conscience lui répondait « non » avec énergie. Elle avait expié sa faute en s'imposant des pénitences. Elle jeûnait, elle se mortifiait en restant à genoux les bras en croix et disant des prières pendant quelques heures. Elle avait obligé Mariette à ses actes de repentir. L'ascétisme le plus vrai se mêlait à sa passion et la rendait d'autant plus dangereuse. Lirai-je? Ne lirai-je pas cette lettre? Se disait-elle en écoutant les petites de Chavoncourt. L'une avait 16 et l'autre 17 ans et demi. Rosalie regardait ses deux amies comme des petites filles, parce qu'elle n'aimait pas en secret. Si je la lis, se disait-elle après avoir flotté pendant une heure entre non et oui, ce sera bien certainement la dernière. Puisque j'ai tant fait que de savoir ce qu'il écrivait à son ami, pourquoi ne saurais-je pas ce qu'il lui dit à elle? Si c'est un horrible crime, n'est-ce pas une preuve d'amour? Oh Albert, ne suis-je pas ta femme? Quand Rosalie fut au lit, elle ouvrit cette lettre, datée de jour en jour, de manière à offrir à la duchesse une fidèle image de la vie et des sentiments d'Albert. Ma chère âme, tout va bien. Aux conquêtes que j'ai faites, je viens d'en ajouter une précieuse. J'ai rendu service à un des personnages les plus influents aux élections. Comme les critiques qui font les réputations sans jamais pouvoir s'en faire une, il fait les députés sans pouvoir jamais le devenir. Le brave homme a voulu me témoigner sa reconnaissance à bon marché, presque sans bourse déliée, en me disant « Voulez-vous aller à la Chambre? Je puis vous faire nommer député. » Si je me résolvais à entrer dans la carrière politique, lui ai-je répondu très hypocritement, ce serait pour me vouer à la comté que j'aime et où je suis apprécié. Eh bien, nous vous déciderons, et nous aurons par vous une influence à la Chambre, car vous y brillerez. Ainsi, mon ange aimé, quoi que tu dises, ma persistance aura sa couronne. Dans peu, je parlerai du haut de la tribune française à mon pays, à l'Europe. Mon nom te sera jeté par les 100 voix de la presse française. Oui, comme tu me le dis, je suis venu vieux à Besançon, et Besançon m'a vieilli encore. Mais comme Sixte Quint, je serai jeune le lendemain de mon élection. J'entrerai dans ma vraie vie, dans ma sphère. Ne serons-nous pas alors sur la même ligne? Le comte Savaron de Savarus, ambassadeur je ne sais où, pourra certes épouser une princesse Soderini, la veuve du duc d'Argaiolo. Le triomphe rajeunit les hommes conservés par d'incessantes luttes. Ô ma vie, avec quelle joie ai-je sauté de ma bibliothèque à mon cabinet, devant ton cher portrait, à qui j'ai dit ces progrès avant de t'écrire. Oui, mes voix à moi, celle du vicaire général, celle des gens que j'obligerai et celle de ce client, assurent déjà mon élection. Le 26. Nous sommes entrés dans la 2e année, depuis l'heureuse soirée où, par un regard, la belle duchesse a ratifié les promesses de la proscrite Francesca. Ah, chère, tu as 32 ans et moi j'en ai 35. Le cher duc en a 77, c'est-à-dire à lui seul 10 ans de plus que nous deux. Et il continue à se bien porter. fais-lui mes compliments. J'ai presque autant de patience que d'amour. Il me faut d'ailleurs encore quelques années pour élever ma fortune à la hauteur de ton nom. Tu le vois, je suis gai, je ris aujourd'hui. Voilà l'effet d'une espérance. Tristesse ou gaieté, tout me vient de toi. L'espoir de parvenir me remet toujours au lendemain du jour où je t'ai vu pour la première fois, où ma vie s'est unie avec la tienne, comme la terre à la lumière. Qual pianto que ces 11 années, car nous voici au 26 décembre, anniversaire de mon arrivée dans ta villa du lac de Constance. Voici 11 ans que je crie après le bonheur, et que tu rayonnes comme une étoile placée trop haut pour qu'un homme y puisse atteindre. Le 27. Non, cher, ne va pas à Milan, reste à Belgirate. Milan m'épouvante. Je n'aime ni ces affreuses habitudes milanaises de causer tous les soirs à la Scala avec une 12aine de personnes, parmi lesquelles il est difficile que l'on ne te dise pas quelque douceur. Pour moi, la solitude est comme ce morceau d'ambre au sein duquel un insecte vit éternellement dans son immuable beauté. L'âme et le corps d'une femme restent ainsi purs et dans la forme de leur jeunesse. Est-ce ces Tedeschi que tu regrettes? Le 28. Ta statue ne se finira donc point? Je voudrais t'avoir en marbre, en peinture, en miniature, de toutes les façons, pour tromper mon impatience. J'attends toujours la vue de Belgirate au midi et celle de la galerie. Voilà les seules qui me manquent. Je suis tellement occupé que je ne puis aujourd'hui te rien dire qu'un rien, mais ce rien est tout. N'est-ce pas d'un rien que Dieu a fait le monde? Ce rien, c'est un mot, le mot de Dieu. Je t'aime. Le 30. Ah, je reçois ton journal. Merci de son exactitude. Tu as donc éprouvé bien du plaisir à voir les détails de notre première connaissance ainsi traduits? Hélas, tout en les voilant, j'avais grand peur de t'offenser. Nous n'avions point de nouvelles, et une revue sans nouvelles, c'est une belle sans cheveux. Peu trouveur de ma nature et au désespoir, j'ai pris la seule poésie qui fut dans mon âme, la seule aventure qui fut dans mes souvenirs. Je l'ai mise au ton où elle pouvait être dite, et je n'ai pas cessé de penser à toi tout en écrivant le seul morceau littéraire qui sortira de mon cœur. Je ne puis pas dire de ma plume. La transformation du farouche Sormano en Gina ne t'a-t-elle pas fait rire? Tu me demandes comment va la santé, mais bien mieux qu'à Paris. Quoique je travaille énormément, la tranquillité des milieux a de l'influence sur l'âme. Ce qui fatigue et vieillit, cher ange, c'est des angoisses de vanité trompée, ces irritations perpétuelles de la vie parisienne, ces luttes d'ambition rivales. Le calme est balsamique. Si tu savais quel plaisir me fait ta lettre, cette bonne longue lettre, où tu me dis si bien les moindres accidents de ta vie. Non, vous ne saurez jamais, vous autres femmes, à quel point un véritable amant est intéressé par ces riens. L'échantillon de ta nouvelle robe m'a fait un énorme plaisir à voir. Est-ce donc une chose indifférente que de savoir ta mise? Si ton front sublime se raye, si nos auteurs te distraient, si les chants de Canalis t'exaltent, je lis les livres que tu lis. Il n'y a pas jusqu'à ta promenade sur le lac qui m'ait attendri. Ta lettre est belle, suave comme ton âme. Ô fleur céleste et constamment adorée, aurais-je pu vivre sans ces chères lettres qui, depuis 11 ans, m'ont soutenu dans ma voie difficile, comme une clarté, comme un parfum, comme un chant régulier, comme une nourriture divine, comme tout ce qui console et charme la vie? Ne manque pas, si tu savais quelle est mon angoisse la veille du jour où je les reçois, et ce qu'un regard d'un jour me cause de douleur. Est-elle malade? Est-ce lui? Je suis entre l'enfer et le paradis. Je deviens fou. Ô Miyakara Diva, cultive toujours la musique. Exerce ta voix, étudie. Je suis ravi de cette conformité des travaux et d'heures qui fait que, séparés par les Alpes, nous vivons exactement de la même manière. Cette pensée me charme et me donne bien du courage. Quand j'ai plaidé pour la première fois, je ne t'ai pas encore dit cela, je me suis figuré que tu m'écoutais, et j'ai senti tout à coup en moi ce mouvement d'inspiration qui met le poète au-dessus de l'humanité. Si je vais à la chambre, oh, tu viendras à Paris pour assister à mon début. Le 30 au soir. Mon Dieu, combien je t'aime! Hélas, j'ai mis trop de choses dans mon amour et dans mes espérances. Un hasard qui ferait chavirer cette barque trop chargée emporterait ma vie. Voici 3 ans que je ne t'ai vu, et à l'idée d'aller à Belgirate, mon cœur bat si fort que je suis obligé de m'arrêter. Te voir, entendre cette voix enfantine et caressante, embrasser par les yeux ce teint d'ivoire, si éclatante aux lumières, et sous lequel on devine ta noble pensée. Admirer tes doigts jouant avec tes touches, recevoir toute ton âme dans un regard et ton cœur dans l'accent d'un « oui mais » ou d'un « Alberto », nous promener devant tes orangers en fleurs, vivre quelques mois au sein de ce sublime paysage. Voilà la vie. Oh, quelle niaiserie que de courir après le pouvoir, un nom, la fortune. Mais tout est à Belgirate. Là est la poésie, là est la gloire. J'aurais dû me faire ton intendant, ou comme ce cher tyran que nous ne pouvons haïr me le proposait, y vivre en cavalier servant, ce que notre ardente passion ne nous a pas permis d'accepter. Adieu, mon ange, tu me pardonneras mes prochaines tristesses en faveur de cette gaieté tombée comme un rayon de flambeau de l'espérance, qui jusqu'alors me paraissait un feu follet. Comme il aime, s'écria Rosalie en laissant tomber cette lettre, qui lui sembla bien lourde à tenir. Après 11 ans, écrire ainsi. Mariette, dit Rosalie à la femme de chambre, le lendemain matin, allez jeter cette lettre à la poste. Dites à Jérôme que je sais tout ce que je voulais savoir, et qu'il serve fidèlement Monsieur Albert. Nous nous confesserons de ses péchés sans dire à qui les lettres appartenaient, ni où elles allaient. J'ai eu tort, c'est moi qui suis la seule coupable. Mademoiselle a pleuré, dit Mariette. Oui, je ne voulais pas que ma mère s'en aperçût. Donnez-moi de l'eau bien froide. Au milieu des orages de sa passion, Rosalie écoutait souvent la voix de sa conscience. Touchée par cette admirable fidélité de deux cœurs, elle venait de faire ses prières et s'était dit qu'elle n'avait plus qu'à se résigner, à respecter le bonheur de deux êtres dignes l'un de l'autre, soumis à leur sort, attendant tout de Dieu, sans se permettre d'action ni de souhaits criminels. Elle se sentit meilleure, elle éprouva quelque satisfaction intérieure après avoir pris cette résolution, inspirée par la droiture naturelle au jeune âge. Elle y fut encouragée par une réflexion de jeune fille. Elle s'immolait pour lui. « Elle ne s'est pas aimée, pensait-elle. Ah, si c'était moi, je sacrifierais tout à un homme qui m'aimerait ainsi. Être aimée. Quand et par qui le saurais-je, moi? Ce petit monsieur de Soulas n'aime que ma fortune. Si j'étais pauvre, il ne ferait seulement pas attention à moi. Rosalie, ma petite, à quoi penses-tu donc? Tu vas au-delà de l'arrêt, dit la baronne à sa fille, qui faisait des pantoufles en tapisserie pour le baron. Rosalie passa tout l'hiver de 1834 à 1835 en mouvements secrets tumultueux. Mais au printemps, au mois d'avril, époque à laquelle elle atteignit à ses 18 ans, elle se disait parfois qu'il serait bien de l'emporter sur une duchesse d'Argaiolo. Dans le silence et la solitude, la perspective de cette lutte avait rallumé sa passion et ses mauvaises pensées. Elle développait par avance sa témérité romanesque en faisant plan sur plan. Quoique de tels caractères soient exceptionnels, il existe malheureusement beaucoup trop de Rosalie, et cette histoire contient une leçon qui doit leur servir d'exemple. Pendant cet hiver, Albert de Savarus avait sourdement fait un progrès immense dans Besançon. Sûr de son succès, il attendait avec impatience la dissolution de la Chambre. Il avait conquis parmi les hommes du juste milieu l'un des faiseurs de Besançon, un riche entrepreneur qui disposait d'une grande influence. Les Romains se sont partout donné des peines énormes. Ils ont dépensé des sommes immenses pour avoir d'excellentes eaux à discrétion dans toutes les villes de leur empire. À Besançon, ils buvaient les eaux d'Arcier, montagne située à une assez grande distance de Besançon. Besançon est une ville assise dans l'intérieur d'un fer à cheval décrit par le Doubs. Ainsi, rétablir l'aqueduc des Romains pour boire l'eau que buvaient les Romains, dans une ville arrosée par le Doubs, est une de ces niaiseries qui ne prennent que dans une province où règne la gravité la plus exemplaire. Si cette fantaisie se logeait au cœur des Byzantins, elle devait obliger à faire de grandes dépenses, et ces dépenses allaient profiter à l'homme influent. Albert Savaron de Savarus décida que le Doubs n'était bon qu'à couler sous des ponts suspendus, et qu'il n'y avait de potable que l'eau d'Arcier. Des articles parurent dans la Revue de l'Est, qui ne furent que l'expression des idées du commerce byzantin. Les nobles, comme les bourgeois, le juste milieu, comme les légitimistes, le gouvernement, comme l'opposition, enfin tout le monde se trouva d'accord pour vouloir boire l'eau des Romains et jouir d'un pont suspendu. La question des eaux d'Arcier fut à l'ordre du jour dans Besançon. À Besançon, comme pour les deux chemins de fer de Versailles, comme pour des abus subsistants, il y eut des intérêts cachés qui donnèrent une vitalité puissante à cette idée. Les gens raisonnables, en petit nombre d'ailleurs, qui s'opposaient à ce projet, furent traités de ganaches. On ne s'occupait que des deux plans de l'avocat Savaron. Après 18 mois de travaux souterrains, cet ambitieux était donc arrivé dans la ville la plus immobile de France et la plus réfractaire à l'étranger, à la remuer profondément, à y faire, selon une expression vulgaire, la pluie et le beau temps, à y exercer une influence positive sans être sorti de chez lui. Il avait résolu le singulier problème d'être puissant quelque part, sans popularité. Pendant cet hiver, il gagna 7 procès pour des ecclésiastiques de Besançon. Aussi, par moments, respirait-il par avance l'air de la Chambre. Son cœur se gonflait à la pensée de son futur triomphe. Cet immense désir qui lui faisait mettre en scène tant d'intérêts, inventer tant de ressorts, absorbait les dernières forces de son âme démesurément tendue. On vantait son désintéressement. Il acceptait sans observation les honoraires de ses clients. Mais ce désintéressement était de l'usure morale. Il attendait un prix pour lui plus considérable que tout l'or du monde. Il avait acheté, soi-disant pour rendre service à un négociant embarrassé dans ses affaires, au mois d'octobre 1834, et avec les fonds de Léopold Hannequin, une maison qui lui donnait le sens d'éligibilité. Ce placement avantageux n'eut pas l'air d'avoir été cherché, ni désiré. « Vous êtes un homme bien réellement remarquable, » dit à Savarus l'abbé de Grancey, qui naturellement observait et devinait l'avocat. Le vicaire général était venu lui présenter un chanoine qui réclamait les conseils de l'avocat. « Vous êtes, lui dit-il, un prêtre qui n'est pas dans son chemin. » Ce mot frappa Savarus. De son côté, Rosalie avait décidé dans sa forte tête de frêle jeune fille d'amener monsieur de Savarus dans le salon et de l'introduire dans la société de l'hôtel de Rupt. Elle bornait encore ses désirs à voir Albert et à l'entendre. Elle avait transigé, pour ainsi dire, et les transactions ne sont souvent que des trêves. Les Rouxey, terre patrimoniale des Vatteville, valait 10 000 francs de rente nette. Mais en d'autres mains, elle eût rapporté bien davantage. L'insouciance du baron, dont la femme devait avoir et eut 40 000 francs de revenus, laissait les Rouxey sous le gouvernement d'une espèce de maître Jacques, un vieux domestique de la maison Vatteville, appelé Modinier. Néanmoins, quand le baron et la baronne éprouvaient le désir d'aller à la campagne, ils allaient aux Rouxey, dont la situation est très pittoresque. Le château, le parc, tout a d'ailleurs été créé par le fameux Vatteville, dont la vieillesse active se passionna pour ce lieu magnifique. Entre deux petites alpes, deux pitons dont le sommet est nu et qui s'appellent le Grand et le Petit Rouxey, au milieu d'une gorge par où les eaux de ces montagnes, terminées par la dent de Villars, tombent et vont se joindre aux délicieuses sources du Doubs, Vatteville imagina de construire un barrage énorme, en y laissant deux déversoirs pour le trop-plein des eaux. En amont de son barrage, il obtint un charmant lac et en aval deux cascades qui, réunies à quelques pas de leur chute, alimentaient une ravissante rivière avec laquelle il arrosa la sèche et inculte vallée que dévastait jadis le torrent des Rouxey. Ce lac, cette vallée, ces deux montagnes, il les enferma par une enceinte et se bâtit une chartreuse sur le barrage auquel il donna 3 arpents de largeur en y faisant apporter toutes les terres qu'il fallut enlever pour creuser le lit de la rivière et les canaux d'irrigation. Quand le baron de Vatteville se procura le lac au-dessus de son barrage, il était propriétaire des deux Rouxey, mais non de la vallée supérieure qui l'inondait ainsi, par laquelle on passait en tout temps et qui se termine en fer à cheval au pied de la dent de Villars. Mais ce sauvage vieillard imprimait une si grande terreur que, pendant toute sa vie, il n'y eut aucune réclamation de la part des habitants des Rissets, petit village situé sur le revers de la dent de Villars. Quand le baron mourut, il avait réuni les pentes des deux Rouxey au pied de la dent de Villars par une forte muraille afin de ne pas inonder les deux vallées qui débouchaient dans la gorge des Rouxey à droite et à gauche du pic de Villars. Il mourut ayant conquis ainsi la dent de Villars. Ses héritiers se firent les protecteurs du village des Rissets et maintinrent ainsi l'usurpation. Le vieux meurtrier et le vieux renégat, le vieil abbé Vatteville avait fini sa carrière en plantant des arbres, en construisant une superbe route, prise sur le flanc d'un des deux Rouxey, et qui rejoignait le grand chemin. De ce parc, de cette habitation dépendaient des domaines fort mal cultivés, des chalets dans les deux montagnes et des bois inexploités. C'était sauvage et solitaire, sous la garde de la nature, abandonné au hasard de la végétation, mais plein d'accidents sublimes. Vous pouvez vous figurer maintenant les Rouxey. Il est fort inutile d'embarrasser cette histoire en racontant les prodigieux efforts et les ruses empreintes de génie par lesquelles Rosalie arriva, sans le laisser soupçonner, à son but. Qu'il suffise de dire qu'elle obéissait à sa mère en quittant Besançon au mois de mai 1835, dans une vieille berline attelée de 2 bons gros chevaux loués et allant avec son père aux Rouxey. L'amour explique tout aux jeunes filles. Quand en se levant le lendemain de son arrivée aux Rouxey, Rosalie aperçut de la fenêtre de sa chambre la belle nappe d'eau sur laquelle s'élevaient de ses vapeurs exhalées comme des fumées, et qui s'engageait dans les sapins et dans les mélèzes, en rampant le long des deux pics pour en gagner les sommets, elle laissa échapper un cri d'admiration. Ils se sont aimés devant les lacs. Elle est sur un lac. Décidément, un lac est plein d'amour. un lac alimenté par des neiges à des couleurs d'opale et une transparence qui en fait un vaste diamant. Mais quand il est serré comme celui des Rouxey entre deux blocs de granit vêtus de sapin, qu'il y règne un silence de savane ou de steppe, il arrache à tout le monde le cri que venait de jeter Rosalie. « On doit cela, lui dit son père, au fameux Watteville. »« Ma foi, dit la jeune fille, il a voulu se faire pardonner ses fautes. »« Montons dans la barque et allons jusqu'au bout, dit-elle. Nous gagnerons de l'appétit pour le déjeuner. » Le baron manda deux jeunes jardiniers qui savaient ramer et prit avec lui son premier ministre Maudinier. Le lac avait 6 arpents de largeur, quelquefois 10 ou 12. Et 400 arpents de long. Rosalie eut bientôt atteint le fond qui se termine par la dent de Villard, la Jungfrau de cette petite Suisse. « Nous y voilà, monsieur le baron, dit Maudinier, en faisant signe aux deux jardiniers d'attacher la barque. Voulez-vous venir voir ?»« Voir quoi ?» demanda Rosalie. « Oh, rien, dit le baron, mais tu es une fille discrète, nous avons des secrets ensemble. » Je puis te dire ce qui me chiffonne l'esprit. Il s'est ému depuis 1830 des difficultés entre la commune des Rissé et moi, précisément à cause de la dent de Villard. Et je voudrais les accommoder sans que ta mère le sache, car elle est entière. Elle est capable de jeter feu et flamme, surtout en apprenant que le maire des Rissé, un républicain, a inventé cette contestation pour courtiser son peuple. Rosalie eut le courage de déguiser sa joie afin de mieux agir sur son père. « Quelle contestation » dit-elle. « Mademoiselle, les gens de Rissé, dit Maudinier, ont depuis longtemps droit de pâture et d'affouage dans leur côté de la dent de Villard. Or, monsieur Chantonite, leur maire, depuis 1830, prétend que la dent tout entière appartient à la commune, et soutient qu'il y a 100 et quelques années, on passait sur nos terres. Vous comprenez qu'alors nous ne serions plus chez nous. Puis ce sauvage en viendrait à dire ce que disent les anciens des Rissé, que le terrain du lac a été pris par l'abbé de Watteville. C'est la mort des Rouxey, quoi. Hélas, mon enfant, entre nous c'est vrai, dit naïvement monsieur de Watteville. Cette terre est une usurpation consacrée par le temps. Aussi, pour n'être jamais tourmenté, je voudrais proposer de définir à l'amiable mes limites de ce côté de la dent de Villard, et j'y bâtirais un mur. Si vous cédez devant la République, elle vous dévorera. C'était à vous de menacer les Rissé. C'est ce que je disais hier au soir à monsieur, répondit Maudinier. Mais pour abonder dans ce sens, je lui proposais de venir voir s'il n'y avait pas de ce côté de la dent, ou de l'autre, à une hauteur quelconque, des traces de clôture. Depuis 100 ans, de part et d'autre, on exploitait la dent de Villard, cette espèce de mur mitoyen entre la commune des Rissé et les Rouxey, qui ne rapportait pas grand-chose sans en venir à des moyens extrêmes. L'objet en litige étant couvert de neige 6 mois de l'année, était de nature à refroidir la question. Aussi, fallut-il l'ardeur soufflée par la révolution de 1830 aux défenseurs du peuple pour réveiller cette affaire par laquelle M. Chantonite, maire de Rissé, voulait dramatiser son existence sur la tranquille frontière de Suisse et immortaliser son administration. Chantonite, comme son nom l'indique, était originaire de Neufchâtel. « Mon cher père, dit Rosalie en rentrant dans la barque, j'approuve Maudinier. Si vous voulez obtenir la mitoyenneté de la dent de Villard, il est nécessaire d'agir avec vigueur et d'obtenir un jugement qui vous mette à l'abri des entreprises de ce Chantonite. Pourquoi donc auriez-vous peur? Prenez pour avocat le fameux Savaron, prenez-le promptement pour que Chantonite ne le charge pas des intérêts de sa commune. Celui qui a gagné la cause du chapitre contre la ville gagnera bien celle des Watteville contre les Rissé. D'ailleurs, dit-elle, les Rouxey seront un jour à moi. Le plus tard possible, je l'espère. Eh bien, ne me laissez pas de procès. J'aime cette terre et je l'habiterai souvent. Je l'augmenterai tant que je pourrai. Sur ses rives, dit-elle, en montrant les bases des deux rouxets, je découperai des corbeilles, j'en ferai des jardins anglais ravissants. Allons à Besançon, et ne revenons ici qu'avec l'abbé de Grancey, monsieur Savaron et ma mère, si elle le veut. C'est alors que vous pourrez prendre un parti. Mais à votre place, je l'aurais déjà pris. Vous vous nommez Vatteville, et vous avez peur d'une lutte? Si vous perdez le procès, tenez, je ne vous dirai pas un mot de reproche. Oh, si tu le prends ainsi, dit le baron, je le veux bien, je verrai l'avocat. D'ailleurs, un procès, mais c'est très amusant. Il jette un intérêt dans la vie. On va, on vient, on se démène. N'aurez-vous pas mille démarches à faire pour arriver au juge? Nous n'avons pas vu l'abbé de Grancey pendant plus de 20 jours, tant il était occupé. Mais il s'agissait de toute l'existence du chapitre, dit monsieur de Vatteville. Puis l'amour-propre, la conscience de l'archevêque, tout ce qui fait vivre les prêtres y était engagé. Ce Savaron ne sait pas ce qu'il a fait pour le chapitre. Il l'a sauvé. Écoutez-moi, lui dit-elle à l'oreille, si vous avez monsieur Savaron pour vous, vous aurez gagné, n'est-ce pas? Eh bien, laissez-moi vous donner un conseil. Vous ne pouvez avoir monsieur Savaron pour vous que par monsieur de Grancey. Si vous m'en croyez, parlons ensemble à ce cher abbé, sans que ma mère soit de la conférence, car je sais un moyen de le décider à nous amener l'avocat Savaron. Il sera bien difficile de n'en pas parler à ta mère. L'abbé de Grancey s'en chargera plus tard, mais décidez-vous à promettre votre voix à l'avocat Savaron aux prochaines élections, et vous verrez. Aller aux élections, prêter serment, s'écria le baron de Vatteville. Bah, dit-elle. Et que dira ta mère? Elle vous ordonnera peut-être d'y aller, répondit Rosalie, qui savait par la lettre d'Albert à Léopold les engagements du vicaire général. 4 jours après, l'abbé de Grancey se glissait un matin de très bonne heure chez Albert de Savarus, après l'avoir prévenu la veille de sa visite. Le vieux prêtre venait conquérir le grand avocat à la maison Vatteville, démarche qui révèle le tact et la finesse que Rosalie avait souterrainement déployée. « Que puis-je pour vous, monsieur le vicaire général ?» dit Savarus. L'abbé, qui dégoisa l'affaire avec une admirable bonhomie, fut écouté froidement par Albert. « Monsieur l'abbé, répondit-il, il m'est impossible de me charger des intérêts de la maison Vatteville, et vous allez comprendre pourquoi. Mon rôle ici consiste à garder la plus exacte neutralité. Je ne veux pas prendre couleur, et doit rester une énigme jusqu'à la veille de mon élection. Or, plaider pour les Vatteville, ce ne serait rien à Paris, mais ici, ici où tout se commente, je serai pour tout le monde l'homme de votre faubourg Saint-Germain. Eh, croyez-vous, dit l'abbé, que vous pourrez être inconnu quand au jour des élections les candidats s'attaqueront? Mais alors on saura que vous vous nommez Savaron de Savarus, que vous avez été maître des requêtes, que vous êtes un homme de la Restauration. Au jour des élections, dit Savarus, je serai tout ce qu'il faudra que je sois. Je compte parler dans les réunions préparatoires. Si monsieur de Vatteville et son parti vous appuyaient, vous auriez 100 voix compactes et un peu plus sûres que celles sur lesquelles vous comptez. On peut toujours semer la division dans les intérêts. On ne sépare point les convictions. « Eh, diable !» reprit Savarus, « je vous aime et puis faire beaucoup pour vous, mon père. Peut-être y a-t-il des accommodements avec le diable. Quel que soit le procès de monsieur de Vatteville, on peut, en prenant Girardet et le guidant, traîner la procédure jusqu'après les élections. Je ne me chargerai de plaider que le lendemain de mon élection. « Faites une chose, dit l'abbé, venez à l'hôtel de Rupt. » Il s'y trouve une petite personne de 18 ans qui doit avoir un jour 100 000 livres de rente, et vous paraîtrez lui faire la cour. Ah, cette jeune fille que je vois souvent sur ce kiosque. Oui, mademoiselle Rosalie, reprit l'abbé de Grancey. Vous êtes ambitieux, si vous lui plaisiez, vous seriez tout ce qu'un ambitieux veut être. Ministre. On est toujours ministre quand à une fortune de 100 000 livres de rente, conjoint vos étonnantes capacités. » Monsieur l'abbé, dit vivement Albert, mademoiselle de Watteville aurait encore 3 fois plus de fortune et m'adorerait qu'il me serait impossible de l'épouser. Vous seriez marié, dit l'abbé de Grancey. Non, pas à l'église, non pas à la mairie, dit Savarus, mais moralement. C'est pis quand on y tient autant que vous paraissez y tenir, répondit l'abbé. Tout ce qui n'est pas fait peut se défaire. N'asseyez pas plus votre fortune et vos plans sur un vouloir de femme qu'un homme sage ne compte sur les souliers d'un mort pour se mettre en route. Laissons mademoiselle de Watteville, dit gravement Albert, et convenant de nos faits. À cause de vous, que j'aime et respecte, je plaiderai, mais après les élections, pour monsieur de Watteville. Jusque-là, son affaire sera conduite par Girardet d'après mes avis. Voilà tout ce que je puis faire. Mais il y a des questions qui ne peuvent se décider que d'après une inspection des localités, dit le vicaire général. Girardet ira, répondit Savarus. Je ne veux pas me permettre, au milieu d'une ville que je connais très bien, une démarche de nature à compromettre les immenses intérêts que cache mon élection. L'abbé de Grancey quitta Savarus en lui lançant un regard fin par lequel il semblait se rire de la politique compacte du jeune athlète, tout en admirant sa résolution. « Ah, j'aurais jeté mon père dans un procès. Ah, j'aurais tant fait pour l'introduire ici !» se disait Rosalie du haut du kiosque en regardant l'avocat dans son cabinet le lendemain de la conférence entre Albert et l'abbé de Grancey, dont le résultat lui fut dit par son père. « Ah, j'aurais commis des péchés mortels, et tu ne viendrais pas dans le salon de l'hôtel de Rupt, et je n'entendrais pas ta voix si riche. Tu mets des conditions à ton concours, quand les Watteville et les Rupt le demandent. Eh bien, Dieu le sait, je me contentais de ces petits bonheurs, te voir, t'entendre, aller au Rouxey avec toi, pour me les faire consacrer par ta présence. » Je ne voulais pas davantage. Mais maintenant je serai ta femme. Oui, oui, regarde ces portraits, examine ces salons, sa chambre, les 4 faces de sa villa, les points de vue de ses jardins. Tu attends sa statue, je la rendrai de marbre elle-même pour toi. Cette femme n'aime pas d'ailleurs. Les arts, les sciences, les lettres, le chant, la musique lui ont pris la moitié de ses sens et de son intelligence. Elle est vieille d'ailleurs, elle a plus de 30 ans, et mon Albert serait malheureux. Qu'avez-vous donc à rester là, Rosalie ? Lui dit sa mère en venant troubler les réflexions de sa fille. Monsieur de Soulas est au salon, et il remarquait votre attitude qui, certes, annonçait plus de pensée qu'on ne doit en avoir à votre âge. Monsieur de Soulas est-il ennemi de la pensée ? Demanda-t-elle. Vous pensiez donc ? Dit madame de Watteville. Mais oui, maman. « Eh bien, non, vous ne pensiez pas. Vous regardiez les fenêtres de cet avocat avec une préoccupation qui n'est ni convenable ni décente, et que monsieur de Soulas, moins qu'un autre, devait remarquer. « Eh, pourquoi ?» dit Rosalie. « Mais, dit la baronne, il est temps que vous sachiez nos intentions. Amédée vous trouve bien, et vous ne serez pas malheureuse d'être comtesse de Soulas. » Pâle comme un lys, Rosalie ne répondit rien à sa mère, tant la violence de ses sentiments contrariés la rendit stupide. Mais en présence de cet homme qu'elle haïssait profondément depuis un instant, elle trouva je ne sais quel sourire que trouvent les danseuses pour le public. Enfin elle put rire, elle eut la force de cacher sa fureur qui se calma, car elle résolut d'employer à ses desseins ce gros et niais jeune homme. « Monsieur Amédée, lui dit-elle, pendant un moment où la baronne était en avant d'eux dans le jardin, en affectant de laisser les jeunes gens seuls, vous ignoriez donc que monsieur Albert Savaron de Savarus est légitimiste ?»« Légitimiste ?» Avant 1830, il était maître des requêtes au Conseil d'État, attaché à la présidence du Conseil des ministres, bien vu du dauphin et de la dauphine, et il eût été bien à vous de ne pas dire du mal de lui. Mais il serait encore mieux d'aller aux élections cette année, de le porter et d'empêcher ce pauvre monsieur de Chavoncourt de représenter la ville de Besançon. « Quel intérêt subit prenez-vous donc à ce Savaron ? Monsieur Albert de Savarus, fils naturel du comte de Savarus, oh, gardez-moi bien ce secret sur cette indiscrétion. S'il est nommé député, sera notre avocat dans l'affaire des Rouxey. Les Rouxey, m'a dit mon père, seront ma propriété. J'y veux demeurer, c'est ravissant. Je serais au désespoir de voir cette magnifique création du grand Vatteville détruite. Qui entre, se dit Amédée en sortant de l'hôtel de Rupt. Cette fille n'est pas sotte. Monsieur de Chavoncourt est un royaliste qui appartient au fameux 221. Aussi, dès le lendemain de la Révolution de juillet, prêcha-t-il la salutaire doctrine de la prestation du serment et de la lutte avec l'ordre de choses à l'instar des Tories contre les Whigs en Angleterre. Cette doctrine ne fut pas accueillie par les légitimistes qui, dans la défaite, eurent l'esprit de se diviser d'opinion et de s'en tenir à la force d'inertie et à la providence. En butte à la défiance de son parti, M. de Chavoncourt parut aux gens du juste milieu le plus excellent choix à faire. Ils préférèrent le triomphe de ses opinions modérées à l'ovation d'un républicain qui réunissait les voix des exaltés et des patriotes. Monsieur de Chavoncourt, homme très estimé dans Besançon, représentait une vieille famille parlementaire. Sa fortune d'environ 15 000 francs de rente ne choquait personne, d'autant plus qu'il avait un fils et trois filles. 15 000 francs de rente ne sont rien avec de pareilles charges. Or, lorsqu'en de semblables circonstances un père de famille reste incorruptible, il est difficile que les électeurs ne l'estiment pas. Les électeurs se passionnent pour le beau idéal de la vertu parlementaire, tout autant qu'un parterre pour la peinture de sentiments généreux qu'ils pratiquent très peu. Madame de Chavoncourt, alors âgée de 40 ans, était une des belles femmes de Besançon. Pendant les sessions, elle vivait petitement dans un de ses domaines afin de retrouver par ses économies les dépenses que faisait à Paris Monsieur de Chavoncourt. En hiver, elle recevait honorablement, un jour par semaine, le mardi, mais en entendant très bien son métier de maîtresse de maison. Le jeune Chavoncourt, âgé de 22 ans, et un autre jeune gentilhomme nommé Monsieur de Vauchel, pas plus riche qu'Amédée, et de plus son camarade de collège, étaient excessivement liés. Ils se promenaient ensemble à Granvelle, ils faisaient quelques parties de chasse ensemble. Ils étaient si connus comme êtres inséparables qu'on les invitait à la campagne ensemble. Également liés avec les petites Chavoncourt, Rosalie savait que ces trois jeunes gens n'avaient point de secret les uns pour les autres. Elle se dit que si Monsieur de Soulas commettait une indiscrétion, ce serait avec ses deux amis intimes. Or, Monsieur de Vauchel avait son plan fait pour son mariage comme Amédée pour le sien. Il voulait épouser Victoire, l'aînée des petites Chavoncourt, à laquelle une vieille tante devait assurer un domaine de 7 000 francs de rente et 100 000 francs d'argent au contrat. Victoire était la filleule et la prédilection de cette tante. Évidemment alors le jeune Chavoncourt et Vauchel avertiraient Monsieur de Chavoncourt du péril que les prétentions d'Albert allaient lui faire courir. Mais ce ne fut pas assez pour Rosalie. Elle écrivit de la main gauche au préfet du département une lettre anonyme signée « Un ami de Louis-Philippe » où elle le prévenait de la candidature tenue secrète de Monsieur Albert de Savarus en lui faisant apercevoir le dangereux concours qu'un orateur royaliste prêterait à Berruyer et lui dévoilant la profondeur de la conduite tenue par l'avocat depuis 2 ans à Besançon. Le préfet était un homme habile, ennemi personnel du parti royaliste et dévoué par conviction au gouvernement de Juillet, enfin un de ces hommes qui font dire, rue de Grenelle au ministère de l'Intérieur, « Nous avons un bon préfet à Besançon ». Ce préfet lut la lettre et, selon la recommandation, il la brûla. Rosalie voulait faire manquer l'élection d'Albert pour le conserver pendant 5 autres années à Besançon. Les élections furent alors une lutte entre les partis, et pour en triompher, le ministère choisit son terrain en choisissant le moment de la lutte. Ainsi, les élections ne devaient avoir lieu qu'à 3 mois de là. Quand un homme attend toute sa vie d'une élection, le temps qui s'écoule entre l'ordonnance de convocation des collèges électoraux et le jour fixé pour leurs opérations est un temps pendant lequel la vie ordinaire est suspendue. Aussi, Rosalie comprit-elle combien de latitude lui laissaient pendant ces 3 mois les préoccupations d'Albert. Elle obtint de Mariette, à qui elle l'avoua plus tard, elle promit de la prendre ainsi que Jérôme à son service, de lui remettre les lettres qu'Albert enverrait en Italie et les lettres qui viendraient pour lui de ce pays. Et, tout en machinant ses plans, cette étonnante fille faisait des pantoufles à son père de l'air le plus naïf du monde. Elle redoubla même de candeur et d'innocence, en comprenant à quoi pouvait servir son air d'innocence et de candeur. « Rosalie devient charmante, disait la baronne de Watteville. » 2 mois avant les élections, une réunion eut lieu chez M. Boucher, le père, composé de l'entrepreneur qui comptait sur les travaux du pont et des eaux d'Arcier, du beau-père de M. Boucher, de M. Granet, cet homme influent à qui Savarus avait rendu service, et qui devait le proposer comme candidat, de l'avoué Girardet, de l'imprimeur de la Revue de l'Est, et du président du tribunal de commerce. Enfin, cette réunion compta 27 de ces personnes appelées dans les provinces les gros bonnets. Chacune d'elles représentait en moyenne 6 voix, mais en les recensant, elles furent portées à 10, car on commence toujours par s'exagérer à soi-même son influence. Parmi les 27 personnes, le préfet en avait une, à lui, quelques faux frères qui secrètement attendait une faveur de ministère pour les siens ou pour lui-même. Dans cette première réunion, on convint de choisir l'avocat Savaron pour candidat, avec un enthousiasme que personne n'aurait pu espérer à Besançon. En attendant chez lui qu'Alfred Boucher vint le chercher, Albert causait avec l'abbé de Grancey, qui s'intéressait à cette immense ambition. Albert avait reconnu l'énorme capacité politique du prêtre, et le prêtre, ému par les prières de ce jeune homme, avait bien voulu lui servir de guide et de conseil dans cette lutte suprême. Le chapitre n'aimait pas M. de Chavoncourt, car le beau-frère de sa femme, président du tribunal, avait fait perdre le fameux procès en première instance. « Vous êtes trahi, mon cher enfant, lui disait le fin et respectable abbé, de cette voix douce et calme que se font les vieux prêtres. » « Trahi ? » s'écria l'amoureux atteint au cœur. « Et par qui, je n'en sais rien, » répliqua le prêtre. « La préfecture est au fait de vos plans et lit dans votre jeu. Je ne puis vous donner en ce moment aucun conseil. De semblables affaires veulent être étudiées. Quant à ce soir, dans cette réunion, allez au-devant des coups qu'on va vous porter. Dites toute votre vie antérieure. » Vous atténuerez ainsi l'effet que cette découverte produirait sur les bisontins. Oh, je m'y suis attendu, dit Savarus d'une voix altérée. Vous n'avez pas voulu profiter de mon conseil, vous avez eu l'occasion de vous produire à l'hôtel de Rupt, vous ne savez pas ce que vous y auriez gagné. Quoi? L'unanimité des royalistes, un accord momentané pour aller aux élections. Enfin, plus de 100 voix. En y joignant ce que nous appelons entre nous les voix ecclésiastiques, vous n'étiez pas encore nommé, mais vous étiez maître de l'élection par le ballotage. Dans ce cas, on parlemente, on arrive. En entendant Alfred Boucher, qui plein d'enthousiasme annonça le vœu de la réunion préparatoire, trouva le vicaire général et l'avocat froids, calmes et graves. « Adieu, monsieur l'abbé, dit Albert, nous causerons plus à fond de votre affaire après les élections. » Et l'avocat prit le bras d'Alfred, après avoir serré significativement la main de monsieur de Grancey. Le prêtre regarda cet ambitieux, dont alors le visage eut cet air sublime que doivent avoir les généraux en entendant le premier coup de canon de la bataille. Il leva les yeux au ciel et sortit en se disant « Quel beau prêtre il ferait !» L'éloquence n'est pas au barreau. Rarement, l'avocat y déploie les forces réelles de l'âme. Autrement, il y périrait en quelques années. L'éloquence est rarement dans la chair aujourd'hui, mais elle est dans certaines séances de la Chambre des députés où l'ambitieux joue le tout pour le tout, où, piqué de 1000 flèches, il éclate à un moment donné. Mais elle est encore bien certainement chez certains êtres privilégiés, dans le quart d'heure fatal où leurs prétentions vont échouer ou réussir, et où ils sont forcés de parler. Aussi dans cette réunion, Albert Savarus, en sentant la nécessité de se faire des séides, développa-t-il toutes les facultés de son âme et les ressources de son esprit. Il entra bien dans le salon, sans gaucherie ni arrogance, sans faiblesse, sans lâcheté, gravement, et se vit sans surprise au milieu de 30 et quelques personnes. Déjà le bruit de la réunion et sa décision avaient amené quelques moutons dociles à la clochette. Avant d'écouter M. Boucher qui voulait lui lâcher un speech à propos de la résolution du comité Boucher, Albert réclama le silence en faisant un signe et serrant la main à M. Boucher, comme pour le prévenir d'un danger subitement advenu. « Mon jeune ami Alfred Boucher vient de m'annoncer l'honneur qui m'est fait. Mais avant que cette décision devienne définitive, dit l'avocat, je crois devoir vous expliquer quel est votre candidat, afin de vous laisser libres encore de reprendre vos paroles, si mes déclarations troublaient vos consciences. » Cet exorde eut pour effet de faire régner un profond silence. Quelques hommes trouvèrent ce mouvement fort noble. Albert expliqua sa vie antérieure en disant son vrai nom, ses œuvres sous la Restauration, en se faisant un homme nouveau depuis son arrivée à Besançon, en prenant des engagements pour l'avenir. Cette improvisation tint, dit-on, tous les auditeurs haletants. Ces hommes à intérêts si divers furent subjugués par l'admirable éloquence sortie bouillante du cœur et de l'âme de cet ambitieux. L'admiration empêcha toute réflexion. On ne comprit qu'une seule chose, la chose qu'Albert voulait jeter dans ses têtes. Ne valait-il pas mieux pour une ville avoir un de ces hommes destinés à gouverner la société tout entière qu'une machine à voter? Un homme d'État apporte tout un pouvoir. Le député médiocre mais incorruptible n'est qu'une conscience. Quelle gloire pour la Provence d'avoir deviné Mirabeau, d'avoir envoyé depuis 1830 le seul homme d'État qui ait produit la Révolution de Juillet. Soumis à la pression de cette éloquence, tous les auditeurs la crurent de force à devenir un magnifique instrument politique dans leurs représentants. Ils virent tous Savarus le ministre dans Albert Savaron. En devinant les secrets calculs de ces auditeurs, l'habile candidat leur fit entendre qu'ils acquerraient, eux les premiers, le droit de se servir de son influence. Cette profession de foi, cette déclaration d'ambitieux, ce récit de sa vie et de son caractère fut, au dire du seul homme capable de juger Savarus, et qui depuis est devenu l'une des capacités de Besançon, un chef-d'œuvre d'adresse, de sentiment, de chaleur, d'intérêt et de séduction. Ce tourbillon enveloppa les électeurs. Jamais homme n'eut un pareil triomphe. Mais malheureusement la parole, espèce d'arme à bout portant, n'a qu'un effet immédiat. La réflexion tue la parole quand la parole n'a pas triomphé de la réflexion. Si l'on eût voté, certes le nom d'Albert sortait de l'urne. À l'instant même, il était vainqueur. Mais il lui fallait vaincre ainsi tous les jours pendant 2 mois. Albert sortit palpitant. Applaudi par des bisontins, il avait obtenu le grand résultat de tuer par avance les méchants propos auxquels donneraient lieu ses antécédents. Le commerce de Besançon fit de l'avocat Savaron de Savarus son candidat. L'enthousiasme d'Alfred Boucher, contagieux d'abord, devait à la longue devenir maladroit. Le préfet, épouvanté de ce succès, se mit à compter le nombre des voix ministérielles et sut se ménager une entrevue secrète avec M. de Chavoncourt, afin de se coaliser dans l'intérêt commun. Chaque jour, et sans qu'Albert pût savoir comment, les voix du comité Boucher diminuèrent. Un mois avant les élections, Albert se voyait à peine 60 voix. Rien ne résistait au lent travail de la préfecture. 3 ou 4 hommes habiles disaient aux clients de Savarus « Le député plaidera-t-il et gagnera-t-il vos affaires? Vous donnera-t-il ses conseils? Fera-t-il vos traités, vos transactions? Vous l'aurez pour esclave encore pour 5 ans, si au moins de l'envoyer à la chambre, vous lui donnez seulement l'espérance d'y aller dans 5 ans. » Ce calcul fut d'autant plus nuisible à Savarus que, déjà quelques femmes de négociants l'avaient fait. Les intéressés à l'affaire Dupont et ceux des eaux d'Arcier ne résistèrent pas à une conférence avec un adroit ministériel qui leur prouva que la protection pour eux était à la préfecture et non pas chez un ambitieux. Chaque jour fut une défaite pour Albert, quoique chaque jour fût une bataille dirigée par lui, mais jouée par ses lieutenants, une bataille de mots, de discours, de démarches. Il n'osait aller chez le vicaire général, et le vicaire général ne se montrait pas. Albert se levait et se couchait avec la fièvre et le cerveau tout en feu. Enfin arriva le jour de la première lutte, ce qu'on appelle une réunion préparatoire, où les voix se comptent, où les candidats jugent leur chance, et où les gens habiles peuvent prévoir la chute ou le succès. C'est une scène de Hustings, honnête, sans populace, mais terrible. Les émotions, pour ne pas avoir l'expression physique comme en Angleterre, n'en sont pas moins profondes. Les Anglais font les choses à coups de poing, en France, elles se font à coups de phrase. Nos voisins ont une bataille, les Français jouent leur sort par de froides combinaisons élaborées avec calme.